micro ouvert. Biggie, tu as déjà vu Lydia? Non! T'as déjà vu mon jambonneau gauche? Ah! Oh, moi j'adore, j'adore! Moi aussi je dors! Mais c'est quand même pas une raison pour me réveiller! Oh, lumière de ma vie! Grenouille de mon cœur! Enfin, nous sommes seuls! Ah non, toi, tu vas te retrouver toute seule. Moi, je vais paraître sur scène devant des milliers de gens. Quelle honte! Ah, que c'est dur pour une belle cochonne dans la fleur de l'âge d'être aussi dédaignée. Ah! Ouh! Je frissonne à l'idée d'entendre mon amour me susurrer des mots passionnés. Salut, poupée, tu crois pas qu'on pourrait faire des choses ensemble? S'il vous plaît, voulez-vous bien vous taire maintenant? Non, mais faites un petit non. Silence, s'il vous plaît, silence! Attends, merci. L'heure est venue maintenant d'élever le niveau culturel de cette émission en passant au débat sur un sujet d'une importance capitale. Et notre invitée ce soir sera Madame Tiffany Gonzalez. Saludos, amigos. Salut, bonjour Tiffany. Notre sujet d'importance capitale est la conversation est-elle un art qui se meurt? Qu'en pensez-vous, Tiffany? Oh, si, querido mio. La plupart des gens ne savaient plus comment parler aujourd'hui. Ils vomissent, ils vomissent, ils vomissent des tas de paroles. Ils parlent n'importe comment. Ils disent ici, ils disent ça. Ils n'écoutent même pas ce que je dis. Je parle pas assez d'un goût à côté de moi. Il parle montre. Il me dit que sa coquille de noix va éclater. Elle est complètement pourrie. Elle va éclater. Je suis d'accord, je suis pas dingue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je sais pas entendu. Mais moi j'ai entendu et je sais pas quand même. Il faut te déboucher les oreilles. Tu comprends pas la française? Non, je ne comprends rien à la française. Oh, attention. Non, te moque pas de l'accent de madame. Quel accent? Écoute, Pépé, je parle la française aussi bien que n'importe qui. Oui, si n'importe qui, c'est ma dite tasse de plata. Oh, non, pas, je vais te découper en tranches. Toi, la grenouille, je t'ai pas donné. Je t'ai donné un coup de talon dans les jambons, non? C'est ça, silence, alors, mesdames. Alors, allons. Est-ce que la conversation est un art qui se meurt? La conversation est en train de mourir, c'est elle l'assassin. S'il te plaît, sois gentil, laisse parler Tiffany et le gourou. Tiffany et le gourou? Ça me rappelle la belle et la bête, mais on sait pas qui est qui. Non, ne fâchons pas, laissez parler le gourou. Dans mon pays, nouveau vieux dicton, on l'utilise rarement. Si vous laissez vos gras faire vidange graissard, vous vous retrouvez avec vos gras. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que nous l'utilisons rarement. Chez moi aussi, on a un dicton. Quand on se travaille avec la cochonita majanera, c'est pour balayer la bamba, se nécessite une poca de gracia. On pourrait savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire un mot de plus qui sort de ces vieux groins, je me cuisine une tortilla au lard. Est-ce que c'est arrêté? Tu vas faire la fortune de nous y lâcher la saucisse, hein? En ce moment, dans tous les pays, on réforme l'enseignement public. À cela, deux raisons. La première est économique. Comment instruire nos enfants pour qu'ils trouvent leur place dans l'économie du XXIe siècle? Comment s'y prendre? Et ce, alors même que nous sommes incapables de prévoir à quoi ressemblera l'économie la semaine prochaine, comme l'a démontré la crise récente. Comment faire, donc? Quant à la seconde raison, elle est culturelle. Tous les pays du monde se demandent comment éduquer nos enfants pour qu'ils acquièrent une certaine identité culturelle, pour leur transmettre les gènes culturels de nos communautés, tout en participant à la mondialisation. C'est la quadrature du cercle. Le problème, c'est que ces gens comptent affronter l'avenir en appliquant les méthodes du passé. Et, ce faisant, ils laissent sur le bas-côté des millions d'enfants qui ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école. Nous, quand nous y allions, nous étions motivés par un principe. Si on travaillait dur, qu'on obtenait de bons résultats et qu'on décrochait un diplôme, on était sûr d'avoir du travail. Nos enfants n'y croient plus, et ils ont bien raison. Certes, mieux vaut avoir un diplôme, mais ce n'est plus une garantie d'emploi. Surtout si pour l'obtenir, on refoule tout ce qui nous était cher. On entend parfois dire qu'il faudrait remonter le niveau, que cela permettrait de progresser. Eh bien oui, d'accord, ce serait bien. Qui prônerait l'inverse? Aucun argument n'a réussi à me convaincre qu'il faudrait le baisser. Le problème, c'est que le système d'éducation actuel a été fondé, conçu et organisé à une autre époque. Il repose sur la culture intellectuelle du siècle des Lumières et sur la conjoncture économique de la révolution industrielle. Avant le milieu du XIXe siècle, l'enseignement public n'existait pas. Enfin, on pouvait quand même être instruit par les jésuites si on en avait les moyens. Mais l'enseignement public, financé par les impôts, obligatoire et gratuit, c'était une idée révolutionnaire. Beaucoup de gens s'y sont même opposés. Selon eux, il était inconcevable que les gosses des rues, les enfants d'ouvriers, profitent de l'enseignement public. Ils sont incapables d'apprendre à lire et à écrire. Ne perdons pas notre temps. Cette idée s'ajouta à toute une série d'hypothèses sur l'organisation sociale. Fondée sur les nécessités économiques de l'époque, elle fut renforcée par une conception intellectuelle de l'esprit, issue en grande partie de la notion d'intelligence selon les Lumières. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans deux catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes, car elles ont été évaluées selon cette seule conception. L'édifice repose donc sur deux piliers, économique et intellectuel. J'estime que ce modèle a bouleversé la vie de beaucoup de gens, parfois dans le bon sens. Quelques-uns en ont tiré un grand bénéfice, mais pas les autres. Ceux-là sont frappés par une épidémie contemporaine, à la fois intempestive et imaginaire, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voici une carte des cas de TDAH aux États-Unis, ou plutôt des diagnostics de TDAH. Ne nous méprenons pas, je ne nie pas l'existence du TDAH. Je ne suis pas compétent pour affirmer une chose pareille. La grande majorité des psychologues et des pédiatres affirment que cela existe, je le sais, même si le débat reste ouvert. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas d'une épidémie. On prescrit des médicaments à ces enfants avec la même légèreté que quand on ordonnait l'opération des amygdales, selon une même base absurde, la mode médicale. Nos enfants vivent l'époque la plus stimulante de l'histoire de l'humanité. Ils sont submergés d'informations, leur attention est captée par tous les supports. Ordinateurs, iPhones, publicités, chaînes de télévision par centaines. Et nous, on leur reproche de ne pas se concentrer. Sur quoi ? Sur des sujets barbants, à l'école principalement. Selon moi, ce n'est pas un hasard si le TDAH se développe selon la même courbe que les tests de connaissances. Et on prescrit à ces enfants de la Ritaline, de l'Adderol et toutes sortes de médicaments, certains étant très dangereux, pour qu'ils se concentrent et se calment. Mais, selon cette carte, le trouble de l'attention est plus répandu à l'est du pays. Les gens sont un peu plus distraits dans l'Oklahoma. Ils n'arrivent pas à réfléchir dans l'Arkansas, et à Washington, ils ont perdu la tête. Mais là, les causes sont probablement différentes. Cette épidémie est fictive. Si on y pense, les arts, et pas seulement les arts, je crois que c'est aussi le cas de la science et des maths, mais je me centre sur les arts parce qu'ils sont très atteints. Les arts sont aujourd'hui les victimes de cette mentalité, tout particulièrement. Les arts développent l'idée de l'expérience esthétique. Une expérience esthétique, c'est le moment où vos sens fonctionnent pleinement, quand vous occupez l'instant présent, quand ce que vous êtes en train d'accomplir vous fait vibrer, quand vous êtes pleinement éveillé. L'anesthésie, c'est l'extinction de vos sens, l'inertie face à ce qui vous entoure. C'est d'ailleurs l'effet de certains de ces médicaments. Nous adaptons nos enfants à l'instruction en les anesthésiant, alors que nous devrions faire le contraire. Nous ne devrions pas les endormir, mais les éveiller, révéler ce qu'il y a en eux. Mais voici notre idéal. Il me semble que notre système d'éducation répond aux intérêts de l'industrie, qu'il est à son image. En voici quelques exemples. Les écoles sont calquées sur les usines. On y sonne la cloche, les salles sont séparées, on enseigne les matières isolément. Nous instruisons toujours les enfants par classe. Je veux dire, on les soumet à un système organisé selon l'âge. Pourquoi ? Pourquoi croyons-nous que le principal dénominateur commun des enfants est leur âge ? Comme si leur caractéristique principale était leur date de fabrication. Pour ma part, je connais des enfants qui, dans certaines matières, sont bien meilleurs que leurs copains du même âge, ou qui travaillent mieux à certaines heures, ou en petits groupes plutôt qu'en classe complète, ou encore qui veulent rester seuls. Quand on se penche sur la pédagogie, on n'adopte pas d'emblée cette conception issue du productivisme, mais la conformité règne. C'est de plus en plus vrai, surtout quand on constate la standardisation des tests de connaissances et des programmes scolaires, leur normalisation. À mon avis, nous devrions aller dans l'autre sens. C'est ce que j'appelle modifier le paradigme. Une grande étude a été menée sur la pensée divergente il y a 2 ou 3 ans. La pensée divergente n'est pas la même chose que la créativité. Pour moi, la créativité, c'est la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Sans en être synonyme, la pensée divergente est essentielle pour la créativité. Il s'agit de l'aptitude à formuler un grand nombre de réponses à une question, à considérer cette question sous plusieurs angles, ce qu'Edouard de Bonneau appelait la pensée latérale, à penser autrement que selon des voies linéaires ou convergentes, à concevoir plusieurs réponses et non une seule. J'ai donc conçu un test à ce sujet. On peut demander aux gens « Combien d'usages pourriez-vous faire d'un trombone ?» Ils posent alors des questions de routine, puis la plupart proposent 10 ou 15 réponses. Certains sont assez forts pour en imaginer 200. Pour en arriver là, ils s'interrogent « Et si le trombone mesurait 60 mètres de haut ? S'il était en caoutchouc mousse ? Est-ce que l'on doit s'en tenir au trombone tel qu'on le connaît, Jim ?» Le test fonctionne ainsi. C'est exposé dans un livre intitulé Breakpoint and Beyond, le point de rupture et au-delà. 1500 personnes ont été étudiées. Selon le protocole de l'expérience, celles qui dépassaient un certain niveau étaient considérées comme des génies de la pensée divergente. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage des 1500 sujets ont atteint le niveau du génie ? Un dernier détail, c'était des enfants de maternelle. Qu'est-ce que vous diriez ? Combien étaient des génies ? 80%, ok. Il y en avait 98%. Il faut le savoir, l'étude portait sur le long terme. Les mêmes enfants ont donc été testés une seconde fois 5 ans plus tard, vers 8 ou 10 ans. Et là, à votre avis, la moitié moins, 30%. Nouveau test 5 ans plus tard, à 13 ou 15 ans, 12%. Vous avez compris la tendance, n'est-ce pas ? Cela nous fournit une donnée intéressante. En effet, on aurait pu supposer que l'évolution se ferait en sens inverse, non ? On commence par être très bon, puis on devient meilleur à mesure qu'on grandit. Ça montre 2 choses. Primo, nous avons tous cette capacité, et secondo, elle se dissipe en grande partie. Certes, il est arrivé des choses à ces enfants, tandis qu'ils grandissaient, plein de choses. Mais l'une des plus importantes, j'en suis convaincu, c'est qu'ils ont été éduqués. Ils ont passé 10 ans à l'école, où on leur a répété, il n'y a qu'une réponse, elle est écrite derrière mais ne tourne pas la page. Et ne copie pas, c'est de la triche. Hors de l'école, on appelle ça de la coopération. Mais à l'école, alors là, ce n'est pas l'effet de la volonté des professeurs, c'est comme ça, c'est tout. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines, dépasser cette vieille scission entre compétences intellectuelles et non intellectuelles. Ce n'est qu'une abstraction, une théorie, un mode de sélection. Regardons enfin les choses en face, tout ça, c'est un mythe. Ensuite, nous devons reconnaître que la plupart des acquisitions de base se font en groupe, que la coopération alimente le développement. Si nous atomisons les gens, si nous les séparons et si nous les jugeons individuellement, nous les séparons de leur environnement éducatif naturel. Enfin, tout repose sur la culture de nos institutions, sur leurs habitudes autant que sur le milieu dans lequel elles fonctionnent. Quand une petite souris attaque un gros matou, elle appelle ses copines et chasse le félin. Ah, le félin. Quand le populo se heurte à un rupin, il thessalien au turbin pour une paye de misère. La triste moralité, c'est que chez l'animal, la chaîne alimentaire peut être bouleversée. Alors que l'humain qui se croit plus malin, à ses inclinaisons sera toujours enchaîné. À ses inclinaisons sera toujours enchaîné. À ses inclinaisons sera toujours enchaîné. Enchaîné. Rencontre avec, donne-moi ton prénom, ton nom, qui tu es. Alors, je m'appelle Anne-Laure et mon nom c'est Boyer, Anne-Laure Boyer. Et je suis, je suis artiste plasticienne, artiste des arts visuels et de l'écriture aussi, ouais, voilà. Il y a quelque chose qui se passe de toi énorme, alors on ne le voit pas parce que c'est de la radio, mais c'est ça qui est chouette. On est quand même dans un joli décor là, hein, pour faire une rencontre, là, il y a du soleil. C'est quoi qui passe ici comme eau, tu sais ? Ben, je crois que c'est une rivière, je crois que c'est la Dordogne. Chanter la Dordogne. Oui, c'est très, le ciel est tout dégagé, c'est fin de journée, agréable. Et il y a quelque chose qui se passe de super pour toi quand même. Vas-y, si tu peux raconter. Ben, ce qui se passe, c'est que beau jour, j'ai reçu un email. Et dedans, il y avait trois lignes, il y avait écrit... Bonjour Anne-Laure, j'aimerais te confier la création de l'exposition pour l'ouverture du mémorial du camp de Rivesaltes. Est-ce que ça t'intéresse ? Appelle-moi pour qu'on en parle, signé Agnès. Et là je dis merde, mais c'est quoi le camp de Rivesaltes ? C'est quoi ce truc ? Et d'ailleurs... Et c'est qui cette Agnès ? Oui, alors Agnès, c'était une personne que j'avais eue au téléphone 3-4 ans avant, ou 3 ans, je ne sais plus. Et en fait, elle avait entendu parler de mon travail, c'est quelqu'un qui lui en avait parlé, et elle avait eu une sorte de coup de cœur, et elle voulait me proposer quelque chose, et malheureusement, ça n'avait pas marché. Mais on s'était promis de se rappeler, de faire quelque chose un jour ensemble. Et là, ça n'a pas loupé, elle m'a rappelé 3 ans plus tard, et là, ça a marché. Là, ce qu'elle m'a proposé, c'était vraiment une affaire sérieuse. Simplement, au début, je comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait, parce que ça parlait de mémorial, ça parlait de lieux historiques, c'est pas l'endroit où vont les artistes habituellement, c'est plutôt compliqué l'histoire, parce qu'il faut dire la vérité, il faut pas se tromper, enfin, il y a des enjeux politiques derrière, des tensions quoi, importantes. Je me disais, putain, mais que va faire un artiste là-dedans? Et c'est aussi ça qui est super avec Agnès, c'est que c'est elle-même, c'est une artiste, c'est une comédienne. Et ne me demande pas comment elle se retrouve à diriger un mémorial comme celui-là. En tout cas, elle a la foi. Et c'est un projet pour lequel elle est habitée par une sorte de foi, elle aussi. Et pas au sens religieux, hein, mais au sens... humain quoi, tout simplement. Et donc son idée, c'est aussi de faire intervenir des artistes là-dedans, et que l'histoire ne soit pas uniquement interprétée du point de vue scientifique ou seulement d'une parole officielle, mais aussi par les sensibilités et par un propos artistique. Ce qui ne veut pas dire que les artistes travaillent uniquement sur le sensible, sur le romantisme, sur l'âme qui s'épanche, les états d'âme et toutes ces choses-là, la souffrance. Non, nous aussi on travaille sur des choses objective, nous aussi on interroge le réel à notre façon, simplement on le fait de manière différente, et puis peut-être parfois avec plus de liberté aussi, et peut-être je dirais aussi que comme on n'a pas cette contrainte qu'ont des scientifiques de devoir établir des vérités, du coup on peut se permettre aussi de rester assez proche de nos subjectivités, ce qui nous permet d'entrer en contact différemment avec des personnes concernées par l'histoire du lieu dont on parle, qui est le camp de Rivesaltes. Le camp de Rivesaltes, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un camp d'internement. Mais ça, c'est un mot politiquement correct, parce qu'en fait, camp d'internement, on l'appelle comme ça pour ne pas confondre avec camp de concentration et ne pas confondre avec un endroit où il y avait des chambres à gaz. Parce que depuis qu'il y a eu la Shoah, on a tous été traumatisés par ces chambres à gaz, et dès lors qu'on parle d'un camp de concentration, on pense tout de suite au génocide de la Shoah, quoi. Sauf que un camp de concentration, au sens vraiment précis, c'est un endroit où on concentre des gens, des réfugiés politiques, des civils, des militaires, voilà. Donc le camp de Rivesaltes, c'est un de ces nombreux endroits qui ont existé en France où on a parqué des civils, des soldats, des militaires, suite à des conflits. Ou dans une optique de gestion bureaucratique des flux humains. comme avec le dernier moment du camp de Revesalt, qui était le centre de rétention administratif. Ça, c'était la dernière période du camp, de 86 à 2007. Donc pendant 20 ans, il y a eu des types qui étaient demandeurs d'asile, sans papier, chopés par la préfecture. Bah si, il y avait un rayon femme dans les Algéco, parce que c'était quatre Algéco posés au milieu des ruines du camp, qui était construit en dur. C'est un camp militaire à la base, le camp de Revesalt, qui existait depuis 1938, et qui a vu passer des réfugiés républicains espagnols, des juifs, des tziganes, des harkis ensuite, des prisonniers, des immigrés algériens condamnés dans les années 50, parce qu'ils soutenaient depuis la France la révolte pour l'indépendance de l'Algérie, le FLN notamment. Donc l'État français en France avait repéré les militants et les avait fait purger une peine. Donc après, avant qu'il y ait eu les harkis, il y a eu 700 personnes qui ont purgé plusieurs mois de prison dans ce camp. Il y a eu aussi les collabos. Dans le cadre de ce qu'on appelle l'épuration, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a aussi enfermé les collabos et les prisonniers de guerre, autrichiens, allemands, polonais. Je ne dirais pas que le camp de Revesalt a vu défiler le monde entier, mais enfin quand même, plus de 60 000 personnes y sont passées par là. Et c'est assez vertigineux quand tu vois tout cet empilement de couches historiques. On dit que c'est un lieu de mémoire partagée, et du coup, on est obligé d'aller sur un truc... qui est de l'ordre de l'universel, qui nous parle de nos exils, de nos manières de nous déplacer, d'avoir le droit à choisir l'endroit où on a envie d'habiter ou pas, et puis à être traité dignement, y compris en situation d'exil ou de transit forcé, quoi. Et explique alors concrètement qu'est-ce qui... Parce que c'est joli, c'est super beau ce que tu veux raconter. C'est ton projet, il est... Enfin, c'est, voilà. Alors en fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Agnès qui... Dans petite précision, le camp, il se trouve où sur la carte du monde ? Sur la carte du monde, il se trouve en France, dans le sud. Il n'y a pas ville plus au sud, je crois, en France. C'est au plein milieu, c'est Perpignan. Et juste à côté, c'est à Revesalt. Donc le camp de Revesalt, c'est dans le sud de la France. Mais il faut savoir qu'il y avait plein de camps en France. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 200 lieux d'enfermement. Et c'est là qu'on mettait aussi les Juifs, qu'on les rassemblait et qu'on les transférait ensuite pendant la collaboration en Allemagne, par exemple. Il y a eu plein de lieux comme ça et les réfugiés républicains espagnols aussi étaient parqués dans des camps. Les harkis, il y a eu 73 camps, il me semble. Bon, j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres parce qu'il y a, avec toutes ces logiques, tellement de chiffres à retenir que parfois je me trompe. Et donc, pour revenir à ta question... Agnès qui s'occupe de ce lieu, elle a proposé à la région Languedoc-Roussillon, donc dans le sud de la France, qui est l'État, hein, en gros, hein, même si c'est localisé, c'est une région, c'est eux qui financent en grande partie la construction de ce musée. Donc Agnès a proposé qu'il y ait aussi des artistes pour travailler sur l'histoire. Et moi, je suis donc invitée à faire la première expo parce que le lieu est en train de sortir de terre. Il a mis 18 ans à se construire et il va devenir un musée que beaucoup de gens vont visiter, qui fait 4000 m². Et donc, il y aura deux artistes par an qui vont venir en résidence et créer un projet vraiment en lien avec l'histoire du lieu. Et moi, je vais faire la première expo. Donc, il faut que ma proposition soit aussi quelque chose qui accompagne le début de l'histoire de ce lieu, de ce mémorial. Et donc j'ai voulu retrouver toutes les personnes qui ont un lieu à cet endroit, parce qu'ils ont contribué à la création de ce mémorial d'une certaine façon, ou bien parce qu'ils l'ont critiqué, ou bien parce qu'ils ont des personnes de leur famille qui sont passées par là, ou bien parce qu'ils sont militants, ou bien parce qu'ils l'ont simplement vu, ils en ont été témoins de l'existence de cet endroit, témoins de son oubli aussi, parce qu'on peut parler d'un lieu dont l'histoire a été occultée, parce que la France n'a pas assumé le traitement qu'elle a réservé à différents moments à plein de gens, et qui continue encore aujourd'hui de faire polémique, notamment pour ceux qu'on appelle les gens du voyage, qui ne sont toujours pas considérés comme français alors qu'ils sont là depuis super longtemps et qui sont des gens, qui sont des citoyens traités à part et avec pas les mêmes droits que les autres citoyens français. Et pour revenir à mon projet, en fait, je voudrais que les gens qui viennent visiter le mémorial y repartent avec quelque chose sous la forme d'une lettre. Et que cette lettre, elle soit écrite par tous les gens dont j'ai parlé avant qui sont concernés par cette histoire, par sensibilité ou parce que leur chemin de vie les a mis là-dessus, ou par engagement politique et militant. Et c'est ouvert à toute personne qui a un lien avec les camps en général. parce que les camps, c'était un vaste réseau. Une même personne internée quelque part, elle pouvait aller dans plusieurs camps selon son parcours. Bon, et donc l'expérience vécue à Rivesaltes peut être similaire à une expérience vécue dans un autre camp. Et donc le phénomène du camp ne se comprend pas si on ne l'envisage pas comme un réseau de camps, en fait. C'est un rhizome. Mais c'est aussi un rhizome à partir duquel on peut tirer plein de questions très, très fortes encore aujourd'hui. Parce qu'il ne suffit pas de dire ce qui s'est passé là-bas. C'est pas juste la question de faire d'écrire la mémoire pour dire bon, bah voilà ce qui s'est passé, on a fait notre devoir, on a dit qu'on avait déconné à l'époque, et bon, maintenant merci, ciao, au revoir. Bah, ça s'arrête pas là, parce que si on parle de ça, il faut vraiment se poser, enfin, transformer ce lieu qui a été un lieu de souffrance en un appui pour ouvrir une vraie réflexion collective et en forme de mosaïque dans laquelle chacun a sa place à sa façon, parce qu'on est tous des porteurs de mémoire et qu'on est tous quelque part de manière vraiment super profonde. C'est un archétype humain très fort, l'exil. Ça nous renvoie à plein de choses, et c'est quelque chose qui peut être assez universel. Et quand on pense vraiment à toutes les questions que nous adresse un lieu tel que le camp de Rivesaltes, eh ben, on se retrouve à penser au racisme, à l'exclusion, aux problèmes entre le Nord et le Sud. On pense aussi à la manière dont le système bureaucratique écrase les individus et les trajectoires de vie des personnes qui se retrouvent piégées par des logiques complètement kafkaïennes. Ça nous renvoie à plein de choses. Et je trouve que c'est intéressant que dans ce mémorial, il n'y ait pas qu'une parole officielle qui aura été validée par plein d'instances successives et des comités scientifiques eux-mêmes validés par encore je ne sais quels experts. Ils ont leur place, évidemment. On a besoin que cette histoire soit écrite parce qu'elle n'a pas été dite suffisamment jusqu'à maintenant. Et il y a un besoin de reconnaissance de ces souffrances et de cette violence d'État. Clairement, il y a besoin de ça. C'est de l'ordre de la réparation et c'est la moindre des choses. Pour des gens qui ont tellement souffert, comme les Harkis par exemple, une simple plaque, pour eux, c'est énorme. Pour nous, ça paraît rien, parce qu'on dit « c'est qu'une plaque », mais c'est énorme, c'est une reconnaissance officielle. Et donc, il y a besoin de ça, mais ça, pour moi, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut que ces histoires, on les assume aussi collectivement, et qu'on soit capable aussi de se les réapproprier, en disant en quoi elles nous touchent, nous aussi, aujourd'hui, et comment on est, nous aussi, véhicule de ces mémoires. Alors, tout le monde n'a pas nécessairement quelque chose à dire sur le camp de Rivesaltes, c'est pas ça que je suis en train de vouloir. Je veux pas non plus trop... Il y a une vie après et avant Rivesaltes. C'est comme ça qu'on dit Rivesaltes ? Oui, on dit Rivesaltes, exactement. Ouais. Mais explique concrètement ton idée qui est fabuleuse, quoi. Ton idée, explique dans la salle avec toutes les concrètement. Ouais. Alors en fait, on va rentrer dans une grande pièce. On va d'abord voir un film en projection sur un écran très très grand, parce qu'il faut dire que le mémorial fait 4000 m². La pièce où il y aura l'expo historique, elle fait 1000 m², et les gens auront déjà vu tout ça. Ils auront vu les ruines du camp, ils auront vu l'expo historique, et à la fin ils termineront par mon expo. Donc ils auront déjà beaucoup de choses en tête. Et moi j'ai une pièce de 400 m² que je dois remplir toute seule. Ouh, vas-y. Et du coup j'ai voulu quelque chose de très simple, de très minimal en fait. Mais qui du coup occupe vachement l'espace. Il n'y a que deux choses, mais elles occupent vraiment l'espace. Et donc on va d'abord rencontrer un film en grande projection. On va marcher pendant 16 mètres vers une vidéo où des gens eux-mêmes marchent. Et donc c'est un moment très collectif que j'ai créé au camp en invitant tous ceux qui le souhaitaient à venir incarner une allégorie de l'exil, mais aussi de la solidarité, et de venir marcher tous ensemble. Et en quelque sorte, j'ai mis en scène cette marche. C'est comme une allégorie. Et les gens l'ont incarnée et ils sont venus. Voilà, chacun étant porteur de sa propre histoire. Et on l'a décuplée en étant à peu près une centaine de personnes sur place par 40 degrés sous le cagnard. Voilà, conditions assez difficiles. Expressément ? Non, c'est que c'est un lieu très difficile climatiquement. Ouais. Et que le calendrier du projet était celui-là. J'avais pas vraiment le choix. Et c'est un endroit aussi où il y a beaucoup, beaucoup de vent. Les gens qui avaient faim à l'époque et qui ne pouvaient pas manger, étaient soulevés par le vent. Ça s'appelle la tramontane. Ouais, c'est le vent qui rend fou. Et donc, on va faire face à cette vidéo, on va voir les gens avancer vers nous et nous, on va avancer vers eux. Donc c'est une sorte de métaphore aussi pour dire que c'est une rencontre. On vient dans cette boîte, ce mémorial, on va découvrir une histoire qui est restée enfermée dans une boîte de Pandore, mais on va aussi aller à la rencontre de ces histoires, à la rencontre de l'autre aussi, celui qui porte ces histoires. Donc c'est pour symboliser ça. donc sur grand écran. Et quand on va passer derrière cet écran, en fait, c'est un écran transparent. Ça veut dire qu'on voit la même vidéo des deux côtés. Et quand on passe de l'autre côté de la vidéo, derrière, eh ben, on va voir un grand bac. Et dedans, il y aura un océan d'enveloppes, toutes de tailles et de couleurs différentes. Et dedans, on va deviner qu'il y a des choses. Il y aura des épaisseurs, quoi. Et il n'y aura rien écrit dessus. Et en fait, on peut en choisir une au hasard. On écrit son adresse sur le dos de l'enveloppe. Et on la poste dans la boîte aux lettres de l'exposition. Et là, on la reçoit chez soi 2 ou 3 jours plus tard, quelques jours plus tard. Et là, on découvre le récit d'une personne qui aura répondu à l'appel à écriture dont je parlais tout à l'heure. Et on a la possibilité de lui répondre, si on veut, bien sûr. Ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on leur réponde. Il y a des personnes qui ne veulent pas signer les lettres pour dire à quel point c'est un sujet sensible par certains aspects. Ouais, voilà. Et donc, il y aura aussi un dernier élément, parce qu'avec cette idée-là, ben, on ne voyait rien de ce qu'il y a écrit dans les enveloppes. Donc c'est hyper frustrant. On crée une attente, et c'est important de la créer, cette attente, parce que c'est un don, l'acte de partager son histoire, de transformer une expérience traumatique en expérience partageable. C'est un vrai... C'est super précieux, je trouve. Et aujourd'hui, on est dans une abondance de flux d'informations. On est sans arrêt assailli, on est noyé dans tout ça. Là, ben, on va tomber sur un seul récit. Et on ne sait rien, et il y a une attente qui va se créer. Et du coup... Ben, on ne sait pas sur qui on va tomber dans la lettre. Si ça se trouve, on est fils de Harki et on vient là et on va tomber sur le récit d'un juif et on se dit « Putain, mais en fait, ce qu'il raconte, moi, je me sens proche de ça. » Ou alors, on va lire le récit d'un professionnel, je ne sais pas, qui est chercheur et qui travaille sur la condition psychique des réfugiés. Et là aussi, on va trouver des choses qui nous renvoient à nous-mêmes ou... En tout cas, on va découvrir un bout du monde qu'on n'avait pas soupçonné qu'il existait comme ça avant, quoi. Mais c'est sur cette lettre-là qu'on sera tombé. Alors, ça va peut-être créer quelque chose. Voilà. Mais alors, si je comprends bien, ça va, t'es pas trop fatiguée parce que t'as vraiment passé la journée aussi à exposer un peu tes idées. T'as rencontré les gens beaucoup, t'as parlé avec eux. Ça va? Oh, je suis passée à 17h. J'ai eu le temps d'attendre encore. Tu vois, là, il est quoi? Il est 21h. Même pas, non, il est 20h. Non, non, c'est pas tellement aujourd'hui, c'est plutôt que le projet, j'ai commencé en décembre, et depuis que j'ai commencé à travailler sur ça, ça fait donc 6 mois, un peu moins, et ben c'est un peu épuisant quand même. C'est épuisant parce que moi, ça me décourage que l'histoire se répète comme ça, dans la manière de... Ouais, cette manière bureaucratique là, de faire. Là. Non, là, je te comprends pas. Qu'est-ce qui est fatigant, en fait? Si j'ai bien compris, c'est comme si tu reliais le présent au futur ou au passé. Oui, c'est ça que tu veux dire? Oui. Bah, oui, c'est pas très, oui. Si, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Bah, l'histoire se répète. Voilà. On n'a pas appris de nos erreurs. Bon, c'est pas pour comparer les centres de rétention à la Shoah, bien sûr, c'est ou au génocide des Tziganes et les autres génocides. C'est pas du même ordre, mais bon, je trouve ça, ouais, je trouve ça compliqué et non résolu et préoccupant aussi. Ouais, voilà, je trouve ça préoccupant. Et pour moi, c'est un lieu de prise de conscience et d'arriver à fédérer toutes les énergies pour inciter les personnes à arriver à accoucher d'une écriture, ça demande aussi ouais, une présence, quoi. Et c'est hyper riche et à la fois, c'est dense quand même. Hein. C'est hyper... des fois, ça fait pleurer, quoi. Parce que c'est grave, tout ça. Oui, c'est presque. Ça voudrait dire aussi quelque part, bon, bah, tout ce projet, évidemment que ça sert à quelque chose, mais tu pourrais aussi te dire certains jours en te réveillant ou en allant te coucher, à quoi ça sert tout ça aussi. Tu pourrais te dire ça. Non, je me dis pas vraiment ça parce que je pense que c'est comme dans n'importe quelle lutte, il faut pas vouloir tendre à essayer de résoudre un problème de manière positive, c'est-à-dire bon, avant on n'y arrivait pas, enfin comment dire, on a obtenu quelque chose et ça y est, c'est bon. C'est pas ça en fait. Non, parce que c'est infini et inépuisable, on n'aura jamais fini. Mais ce qui compte, c'est la qualité de ce qui aura été fait avec ceux qui auront été là au moment où ça s'est passé. Et des personnes, il y en aura. Ouais, je peux te dire que je me suis bien acharnée à contacter vraiment beaucoup de gens. Et à chaque fois, il y avait tout d'un coup un changement dans le ton de la voix. Il y avait un truc qui se dénouait ou qui se serrait là en disant « Putain, ouais, ça y est, il va y avoir enfin un endroit qui va pouvoir accueillir notre besoin de nous recueillir, nous, quoi. Voilà, ça, c'est important, ouais, des endroits comme ça. Oui, ce que je comprends, et c'est un peu aussi ma vision, c'est-à-dire que c'est jamais acquis une bonne fois pour toutes, quoi. C'est comme on pourrait parler du bonheur. Le bonheur, c'est pas... tu l'as pas une bonne fois pour toutes, ça se travaille, c'est un travail de tous les jours, quoi, quelque part. C'est ça aussi que les... L'enfermement, ben... Oui, dans le monde, t'imagines, il doit avoir des trucs horribles qui se passent. Là, on est en France, mais... L'histoire des lettres. Donc, l'histoire des lettres, j'imagine, tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es allemand. Est-ce que ça marche aussi ? Ah bah oui, j'ai déjà reçu plein de lettres d'Allemands, des gens allemands, ouais, carrément, qui disent que leurs parents ou grands-parents étaient des prisonniers de guerre, qui racontent comment leurs grands-parents n'avaient pas forcément choisi d'être enrôlés dans l'armée, ou qui raconte qu'au collège, une femme de 50 ans qui dit « Eh ben oui, moi, on m'a jamais appris ce que c'était le national-socialisme, on me l'a jamais enseigné à l'école, et à la maison non plus, on n'en parlait pas. » Donc de se dire aujourd'hui que les gens dans les années 60, on leur apprenait pas ce que c'était, ce que ça avait été le nazisme et la Shoah, c'est chaud quand même. Donc on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui soient pas tranquilles avec ça et qui aient besoin de savoir. Donc tu vois, pour te dire encore une fois, à quoi sert un mémorial ? Ça sert à ceux qui ont besoin de savoir. Symboliquement, c'est super important qu'on puisse savoir. Et donc cette femme, elle m'écrit, bah oui, moi je voulais savoir, et pour arriver à savoir, ben, j'ai entrepris plein de démarches, et notamment de visiter des lieux où il y avait des traces de ce qui s'était passé, et y aller avec des gens qui connaissaient l'histoire et qui me l'ont raconté, des associations ou des spécialistes ou je sais pas, des voilà. Et donc elle est venue au camp de Rivesaltes et elle y a été plusieurs fois, et il y a des personnes qui sont très habitées par ça, qui font tous les camps, tu sais, quand je dis faire tous les camps, il y a des endroits où il y a plus rien, hein. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'y aller pour contacter quelque chose d'une présence physique et attester d'un « oui, ça s'est bien passé ». Il y a des traces, on peut prouver, on peut dire « c'était là » et même s'il n'y a rien à voir, ben il y a quelque chose sur place où il y a une plaque ou un truc qui dit « c'était là ». Et ça, c'est important. Et donc, puis des personnes qui sont passées par le camp de Rivesaltes et ben, ou d'autres camps en France, ben il y en a du monde entier. Donc j'ai eu par exemple une lettre d'un monsieur qui est né en Belgique justement. Il est né en Belgique, il était juif, il parlait yiddish avec sa maman et puis français là, à l'école. Et puis bah, il a été déporté de force en 41 ou 42, 41, en France. Il s'est retrouvé à Rivesaltes et à Toulouse, non d'abord à Toulouse, ensuite à Rivesaltes. Et en fait il s'était enfui, voilà c'est ça. Non, il n'a pas été déporté de Belgique, il s'est enfui. Parce qu'il voyait l'arrivée des Allemands, des nazis. Et une fois en France, eh ben, il finit par se faire arrêter par Vichy, quoi, qui les a mis dans des camps. Et maintenant, il habite aux États-Unis. Il a survécu, il a réussi à être sauvé, enfin, de ça. Et voilà. Donc, il y a des gens dans le monde entier qui pourraient parler de Rivesaltes, en fait. C'est marrant, parce que j'avais encore une question là-dessus. Et en même temps, je voulais dire, c'est marrant, parce que tu as quel âge ? Rappelle-moi ton prénom. Je suis désolée, je suis nulle en prénom. Anne-Laure. Tu as quel âge, Anne-Laure ? Ou est-ce que ça a vraiment une importance ? Ah oui, oui, oui, mais oui. Pourquoi t'es mal à l'aise de donner ton âge ? Non, je sais pas, je me demande. Tu veux que je te dise pourquoi ? On s'en fout de ton âge, d'accord. C'est parce que je te trouve très sensible, comme ça, très profonde, et sur le sujet, vachement, comment on dit ça ? J'ai perdu le mot. T'es vachement au courant. Est-ce que tu t'es mise au courant ou bien avant tu étais déjà au courant ? Non. Non, j'étais pas au courant avant. Je veux dire avant le projet. Non, j'étais pas au courant avant. Mais la chose dont j'étais au courant, c'est que quand un morceau de ton histoire t'a été confisqué par des événements extérieurs, c'est un truc que moi je peux pas supporter en fait. Et du coup, ça me paraît super important qu'il puisse y avoir un travail qui soit fait pour que les gens puissent se réapproprier des morceaux de leur histoire, quoi. Voilà. Et j'avais déjà travaillé sur ça. C'était pas nécessairement dans le contexte des camps. C'est vrai que le camp de Rivesaltes, il y a eu tellement d'épisodes historiques qui traversent toute l'histoire du XXe siècle dans ce qu'elle a de plus moche, que avec le postcolonialisme aussi et tout ça, Et aujourd'hui, les problèmes entre le Nord et le Sud, et les politiques migratoires, comme on dit, que du coup, c'est hyper dense. Un seul lieu concentre beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais un peu fatiguée, parce qu'en très peu de temps, il a fallu que j'absorbe suffisamment d'informations pour réussir à faire les connexions, pour arriver à couvrir la surface du sujet suffisamment, quoi. Et en très peu de temps, donc c'est vrai que c'était un peu intense, ouais. Mais c'était à la fois super passionnant. Mais après, l'âge que j'ai, 45 ou 25, oui, c'est sûr que j'ai un peu d'expérience par rapport à cette question de la restitution des mémoires, un peu. C'est des choses que j'ai déjà travaillées artistiquement sur un peu un truc à cheval entre un truc un peu social et politique et artistique, oui, mais pas sur ces sujets historiques-là. Non, avant, non. Mais je crois que c'est pas... même si j'avais 45 ans, même à 50 ans, j'aurais pu être quand même dans l'ignorance de tout ce qui s'était passé là, tu vois. Et c'est ça qui est génial dans ce genre de projet, c'est que tu te sers de ça comme point d'appui pour enfin réussir à ouvrir cette boîte de Pandore, à regarder ce qu'il y a dedans et être capable de te lire des bouquins que tu n'aurais jamais cru capable de lire avant. Et je l'ai vu chez d'autres personnes qui se réapproprient aussi leur histoire et qui tout d'un coup se mettent à regarder des documentaires chiants sur la Seconde Guerre ou sur la guerre d'Algérie. Et parce qu'ils se sentent concernés, il y a quelque chose qui se réapproprie, quoi. Et qui les inclut aussi dans une histoire collective. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oubliées de l'histoire. Et ça, c'est terrible, c'est de l'exclusion, c'est insupportable aussi, ça. Moi, je supporte pas ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais attends, on parle de ton âge, de l'histoire, c'est clair. Mais pour revenir sur ton âge, moi, je m'en fous du chiffre. Mais je trouve que t'es bien éveillée, quoi. Non ? C'est plutôt positif, tu pourrais être fière de ça aussi, tu vois. Oui, je trouve que t'es bien éveillée, C'est pas superficiel, quoi. Tu n'es pas superficiel, comme ça, Non. Et pour revenir sur l'histoire, la mémoire et tout ça, on va peut-être aborder encore un petit peu ce sujet-là. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller aussi vers ça, et c'est vrai que ça peut peut-être mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que moi, je suis confrontée à ça pas mal, donc je lis, j'ai lu... Et d'ailleurs, je suis occupée à finir un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un Allemand qui raconte. Donc, c'est, tu vois, le point de vue de l'autre côté. Les méchants, quoi. Et je suis... c'est le point de vue d'un Allemand. C'est pas mal, tu vois, pour voir aussi que c'est pas tout blanc, tout noir. Mais pourquoi... C'est vraiment une question comme ça. Tout le monde, évidemment, est choqué par la guerre, par tout ce qu'elle peut engendrer aussi, hein, parce que la guerre, à la base, moi je le vois comme ça, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est des puissants, je simplifie la pensée, hein, mais c'est des puissants qui sont pas d'accord, et donc ils se disent, très bien, eh bien moi je vais déployer les forces de mon pays, hein, et donc hop, obligation d'aller faire la guerre, obligation, la grande liberté, obligation d'aller se faire tuer. Du coup, après, c'est les femmes et les enfants qui en pâtissent, c'est horrible, voilà. Et je trouve ça dingue. C'était ça ma remarque aussi hors micro. J'arrive jamais à dire cet endroit, de créer comme ça un espace énorme. Comment ça s'appelle ? Mémorial. Voilà, mémorial. De créer un espace comme ça énorme. Donc moi, j'imagine que ça met aussi plein d'argent, évidemment, pour mettre cet espace énorme. Évidemment que c'est génial, c'est super. Ça entretient aussi cette idée qu'on serait tous plus forts. Et alors, tu sais, ce serait tellement génial de faire un mémorial sur quelque chose de formidable. De ne pas oublier qu'on a aussi ce potentiel-là. Et tu vois, on a envie chaque fois d'être là, de serrer les coudes quand ça a été difficile. Évidemment que ça marque, que c'est traumatisant, que c'est déchirant, que c'est horrible en fait. Et alors, on a toujours envie d'aller... soulever cette partie-là de l'être humain. Parce que c'est de l'être humain qu'on parle au fond. Hein. C'est ça aussi. Pourquoi avoir besoin de le mettre au congélateur et de ne pas oublier Pourquoi moi, c'est comme ça que je le vois. On ne ferait pas déjà trois pas en avant dans quelque chose de vachement positif et de rassembleur sur notre condition humaine de positive, en fait. Voilà. Et par exemple, je vais finir par ça, je travaille avec des jeunes. Eh bien, le projet, c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais l'idée d'un projet avec les jeunes, c'est d'aller les emmener là où il y a de nouveau un espèce de bloc en pierre pour rappeler la guerre 40-45. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus, je sais pas moi, tu vois, plus vivantes, plus... Voilà, c'est vraiment pas une histoire de baquer, j'espère que tu comprends bien ce que je veux dire. C'est pas une histoire de baquer l'histoire, hein, c'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de dire ? Eh ben, moi, je pense que si on suivait ton raisonnement, on ferait pas de cimetière. Pour moi, il n'y a pas besoin de cimetière. La personne, elle reste dans ton cœur, quelque part, et vraiment, elle va être vivante parce que tu vas y penser. Parce que c'est des souvenirs. Pour moi, un cimetière, ça ne sert à rien, ouais. Ouais, mais elle va exister pour toi, bon d'accord, mais si elle est morte à cause d'un conflit dans lequel elle était justement envoyée comme chair à canon par l'État, et ben c'est un hommage que la société lui rend en mettant son nom gravé dans le marbre sur un mur. Ouais, mais moi je suis pas du tout pour tout ça, en fait d'ailleurs je suis contre la guerre, donc tu comprends bien que tout ce qui en découle après, Non. Oui, mais c'est pas parce qu'on fait un mémorial qu'on glorifie la guerre. Bah, si tu regardes, sans vraiment approfondir le sujet, tu regardes simplement les faits. Quelqu'un qui pense pas ou qui observe, voilà, tu vois, ici, il y a un arbre, il y a deux camionnettes, là. Tu vois un espace immense, et tu te demandes, c'est quoi cet espace immense qui est le mémorial ? On te dit, bah, c'est pour pas oublier la guerre qui s'est passée, bah, voilà, c'est quand même un hommage... Je pense que c'est... Excuse-moi, je pense que c'est... Je me permets de le dire tout de suite, parce que j'ai peur de perdre un peu ma pensée aussi, mais je pense que c'est une manière trop raccourcie de qualifier la démarche, de faire un mémorial, de dire « n'oubliez pas la guerre ». Ça va plus loin que ça, et c'est plus compliqué, en fait. Oui, mais voilà, enfin, de toute façon... Moi, je te dis, je suis étonnée même de voir... Là, je suis en France en ce moment... Donc il y a eu la guerre, c'est visible, et alors tu as des monuments, comme ça tu vois, vers le haut, super, des petits drapeaux. Enfin, je suis vraiment pas du tout... Moi, je pense que c'est là aussi, mais peut-être je frime un peu et je fais ma maligne, quoi, mais... Si on veut un autre monde, il faut aussi arrêter de toujours regarder en arrière et de commémorer des choses militaires et la guerre. Enfin voilà, je comprends pas pourquoi on met l'accent là-dessus alors qu'il y a plein de choses intéressantes à mettre l'accent justement. Enfin, je l'ai déjà dit, hein, je vais pas me répéter. Oui, mais le problème, et ça c'est un truc psychanalytique, et c'est vrai pour un individu, mais c'est vrai pour une société aussi, c'est que si tu connais pas ton passé suffisamment, correctement, s'il te manque des morceaux de ce passé, tu peux pas te constituer de manière solide pour ton futur aussi. C'est ça le problème. Oui, mais ça dépend de quel passé on a envie de parler aussi, tu vois. Bien sûr, mais après, c'est pas tout le monde qui va avoir cette nécessité d'aller dans un mémorial. Et juste pour te resituer en termes d'échelle, un mémorial comme celui-là, bah quoi, c'est la même taille qu'un lycée. C'est la même taille que quoi qu'un lycée. C'est le même... ça coûte un peu moins cher qu'un lycée, en fin de compte, de construire ça. Et en frais de fonctionnement à l'année, et quand tu mets ça à l'échelle d'une région, faire un lycée, ramener à l'échelle du budget collectif de toute la France, c'est pas si cher que ça, en vérité. Si tu sais combien ça coûte de faire un rond-point, ça coûte des millions. Bon, mais là, on se pose jamais la question. Est-ce que c'est utile, un putain de rond-point ? Oh, ça fait bosser le BTP. Mais c'est bien. Mais là, au moins, on va bosser à réfléchir ensemble à des choses dont certaines personnes ont besoin et qui doivent également faire partie de notre éducation. Et c'est pas parce qu'on fait un mémorial qui raconte ce qui s'est passé à certains moments historiques importants, parce qu'il y a eu des changements, des renversements. C'est pas que la guerre, c'est aussi des changements. C'est, par exemple, l'histoire du colonialisme. Les gens qui sont... nés de familles qui avaient immigré, ils ne savent pas d'où ils viennent parce qu'ils ont perdu des racines. Donc eux, ils ont super besoin de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et que ça se dise collectivement, tu vois. Donc c'est pas parce que cet endroit existe qu'on ne célèbre que ça. Mais après, il y a quand même une tendance qui est super à la mode en ce moment, et c'est là où peut-être ça va te parler dans ce sentiment bizarre que ça t'inspire, c'est que la mémoire collective et le devoir de mémoire en France, c'est quelque chose d'un peu lourd. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Il y a eu le centenaire de la guerre de 14-18, on avait l'impression d'en bouffer jour et nuit. Et qu'à défaut d'avoir confiance en notre présent et en notre futur, ben, on a besoin de se réfugier dans le passé comme quelque chose de, à réinterroger pour s'assurer de... Et ça, c'est typique, c'est symptomatique d'un moment historique qu'on vit maintenant, dans lequel je pense qu'on est en perte de sens, quoi. Qu'on ne croit plus en nos valeurs, qu'on ne croit plus dans la société telle qu'elle fonctionne dans son modèle dominant qui est le capitalisme. Et j'ai envie de dire tout de suite, de merde, putain de merde. Mais bon, voilà, ça aussi c'est hors micro, mais tu le laisseras si tu veux. Mais du coup, en tout cas, il y a un désenchantement super profond. Et est-ce que se réfugier dans la mémoire passéiste... c'est pas non plus forcément un bon réflexe, ça peut être un refuge peut-être toxique pour avancer, mais il y a aussi des côtés nécessaires à ça, comme je t'ai dit avant. Parce que faut qu'on sache d'où on vienne, c'est super important. Là, je suis bien d'accord, hein, mais je trouve que ça me parle ce que tu dis, c'est vrai que c'est en Belgique aussi, hein, c'est la même chose, c'était les 100 ans de la guerre. Et surtout, il y a aussi la bataille de Waterloo, ils l'ont rejoué, figure-toi. Ils ont recréé l'événement. Tu te rends compte? Pour pas oublier. Moi, je trouve ça dingue. Figure-toi que j'ai interrogé des gens qui faisaient ça. En me disant, mais putain, mais quelle idée. Pourquoi les gens, ils font ça? D'aller chiner toutes les pièces qui pourraient ressembler pour reconstituer historiquement sans aucun anachronisme la fringue, le petit bout d'arme, le chapeau, le truc, le machin. Et en fait, j'ai eu la conversation avec un type qui parle d'archéologie expérimentale et qui dit que si on n'a pas ressenti en chair et en espace et... C'est concret, c'est pas abstrait comme quand tu lis un truc ou quand on le raconte. Là, tu le vis en personne. Mais si tu le vis pas en personne, toi, tu peux pas le comprendre. Oui, mais c'est quand même du semblant, c'est pas la vraie guerre. Attends. Attends, mais non, allez, concrètement, il y a personne qui se fait tuer pour de vrai, tu comprends? Non, mais c'est... C'est déjà complètement faux. Ouais. C'est une illusion, quoi. Ben, évidemment qu'on joue à quelque chose et que... Oui, mais... En même temps, il y a des moments cathartiques au théâtre, par exemple, la tragédie grecque, quand on met en scène des choses symboliques et qui font comme si ça opère un rituel par métaphore, par procuration, la catharsis. Mais c'est du même ordre, c'est une catharsis. Oui, d'accord, c'est quand même une tentative de mieux comprendre la chose, c'est sûr, mais c'est pas du réel complet, quoi, entre... T'as pas besoin forcément... Oui, non, c'est pas du réel complet, mais c'est comme le même système que la tragédie grecque et la catharsis. C'est-à-dire, t'as pas besoin que ça soit vrai pour croire à une fiction qui va t'enseigner quelque chose parce qu'elle te met ta pensée en mouvement ou tout d'un coup, tu réalises mieux certaines choses. Enfin, réaliser dans le sens de mieux les intégrer, quoi. Les intégrer aussi à ta façon. Et moi, je trouve ça marrant parce que du coup, je m'amuse à avoir des pensées un peu New Age en me disant que le temps n'est pas linéaire et qu'il existe des portes avec des raccourcis spatio-temporels dans lesquels on peut voyager et revisiter notre passé et puiser de nouvelles sources d'enseignement ou de relecture. Je dis pas qu'il faut être révisionniste, c'est pas ça que j'ai dit, hein. Mais que c'est pas figé tout ça. Que c'est pas figé et que il y a plein de manières de voir les choses et qu'on peut s'en nourrir pour revisiter des choses qu'on croirait figées, qui ne sont pas tant que ça. Je me répète vachement, mais bon. Tout est impec. De toute façon, voilà, on va clôturer. Mais donc, le projet des lettres et de cette expo, et quand est-ce que c'est en route, en fait? Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça fonctionne? Alors, en fait, l'expo va commencer le 15 octobre, à peu près, là. 2015. Et elle va se terminer le 30 juin 2016. Ça va durer 8 mois. Et pendant ce temps-là, dès maintenant que je parle et jusqu'au 31 décembre 2015, on peut m'écrire une lettre, une ou plusieurs lettres, de Rivesaltes. Et on m'écrit à annelaureboyer@gmail.com. Annelaure, j'appelle l'adresse email. ANNELAUREBOYER. Annelaure Boyer, tout attaché en minuscule, sans point ni tiret ni rien, @gmail.com. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle Lettres Rivesaltes. Et Rivesaltes, ça s'écrit Rivesaltes, Rivesaltes.com, je crois. Mais il suffit de mettre Rivesaltes, Lettres Annelaure Boyer dans Google et on trouve tout de suite des liens. J'ai fait aussi une super page Facebook. Et là aussi, on voit plein d'extraits de lettres. Et donc, on pourra m'écrire jusqu'au 31 décembre 2015. Et il y a aussi mon numéro de téléphone qui traîne. Si on fouine, on le trouve assez rapidement. On peut discuter pour toute personne qui a envie de poser des questions pour savoir comment ça marche et qui se demande comment elle pourrait écrire sa lettre. Je fais aussi hotline. Mais tu vas avoir pas mal de gens du passé aussi, du coup. Hein. C'est ça aussi, des gens du passé qui vont te raconter des choses. Les anciens, tu veux dire. Oui. Mais j'ai pas envie de dire que c'est un projet de mémoire. Moi, j'ai envie de dire que c'est un projet d'écriture collective et qui est un peu citoyen aussi, plus qu'un projet de mémoire, finalement. Parce qu'on n'est pas tant sur écrire le passé et dire ce qui s'est passé là-bas. Enfin, c'est pas une fin en soi, mais qu'est-ce qui s'est passé après, ça m'intéresse plus. Et comment aujourd'hui les gens ont hérité de cette histoire et qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui, c'est ça qui... T'as une image comme ça, avec le camp déjà dessiné. Enfin, le camp, qu'est-ce que je raconte, le mémorial qui est dessiné. Hein. Et autour, t'as plein de mots. T'as éducateur, t'as pour dire en fait que ça concerne l'histoire de l'enfermement. Moi, c'est ça que j'aime bien en fait. Là, je le racole au présent pour dire que c'est tout le monde est concerné par cette histoire d'enfermement, quoi. Voilà, ça, il y a des gens qui sont enfermés aujourd'hui, et donc ça peut être militant, ça peut être associatif. Hein, c'est un peu la même chose, mais il y a encore quelques mots comme ça pour que là, les gens qui nous écoutent se sentent concernés. En fait, s'ils ont envie de faire partager une idée sur l'enfermement, ça peut être, même être poétique au fond. C'est vraiment liberté à plein de gens de pouvoir s'exprimer là, quoi. Voilà. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Le dessin dont tu parles, c'est une baraque, en fait. La baraque du camp, c'est l'image clé. Et autour, il y a comme une ramification, et ça fait comme les mauvaises herbes qui poussent là-dedans, mais qui font aussi des rhizomes et des ramifications entre elles. Et finalement, il n'y a qu'une seule racine à la base, mais elle se déploie dans plein de directions. Donc, on est tous reliés par ça, mais après, ça peut partir dans plein de sens. Et autour de ça, il y a des jeunes gens, des gens plus âgés, des témoins directs historiques, comme des enseignants, des profs, des professionnels. Ça peut être aussi des gens qui travaillent dans des associations d'aide aux sans-papiers. Ça peut être une personne qui a été sans-papiers à un moment donné ou demandeur d'asile. Ça peut être une personne qui travaille au patrimoine et qui se demande comment on muséifie un lieu, comment on le fiche dans un état. Ça peut être aussi quelqu'un qui parle d'une histoire familiale. Ça peut être aussi un philosophe. Ça peut être toutes sortes de gens. Et ce qui est marrant, c'est quand les gens réfléchissent à comment ils vont adresser leurs lettres. Parce que celui qui va lire les lettres, c'est le visiteur du mémorial, mais qui peut être n'importe qui. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui spontanément ont dit « Moi, je vais adresser la lettre à quelqu'un. » Par exemple, une personne qui est muséographe, qui travaille dans les archives et qui a fouiné toutes les archives du camp. Et elle a trouvé des lettres qui l'ont particulièrement touchée à l'époque et qui sont restées sans destinataire parce que le destinataire n'existait plus ou on ne l'a pas trouvé. Elle dit, moi, je vais répondre à cette lettre 70 ans après, comme si c'était moi le destinataire. Je lui réponds, même si cette femme est probablement morte, mais je lui réponds pour dire que j'ai lu sa lettre. Et je lui réponds avec mes mots d'aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui, par exemple. Il y a ça. Ou bien il y a une personne qui a écrit en disant moi j'écris une lettre adressée au président français, une lettre de colère contre la politique migratoire en France actuellement, contre ce qui se passe dans les centres de rétention. Il y a des gens qui parlent d'une rencontre qu'ils ont fait avec quelqu'un et qui les a marqués, ou d'anecdotes, ou il y a des fois des fictions aussi, des gens qui écrivent comme s'ils étaient... Il y a quelqu'un qui va écrire comme s'il était une personne du camp qui a complètement disparu, comme s'il était elle, et que c'est son fantôme qui nous parlait aujourd'hui, pour dire, au fur et à mesure que tu lis mes mots, je ressuscite et je suis encore là.